Il y a longtemps que j'ai rassemblé quelques matériaux pour faire l'histoire du siècle de Louis XIV. Ce n'est point simplement la vie de ce prince que j'écris. Ce ne sont point les annales de son règne. C'est plutôt l'histoire de l'esprit humain, puisée dans le siècle le plus glorieux à l'esprit humain. Monsieur, à qui daigneriez-vous communiquer vos lumières, si ce n'est à un homme qui aime sa patrie et la vérité, et qui ne cherche à écrire l'histoire, ni en flatteur, ni en panégyriste, ni en gazetier, mais en philosophe. Celui qui a si bien débrouillé le chaos de l'origine des Français m'aidera sans doute à répandre la lumière sur les plus beaux jours de la France. Songez, monsieur, que vous rendrez service à votre disciple et à votre admirateur. La deuxième lettre de 1740 est adressée par Voltaire à Milord Harvey, garde des Sceaux d'Angleterre. En voici la conclusion. Non seulement il s'est fait de grandes choses sous le règne de Louis XIV, mais c'est lui qui les faisait. Souffrez donc, Milord, que je tâche de le rever à sa gloire, un monument que je consacre encore plus à l'utilité du genre humain. Je ne considère pas seulement Louis XIV parce qu'il a fait du bien aux Français, mais parce qu'il a fait du bien aux hommes. C'est comme homme et non comme sujet que j'écris. Je veux peindre le dernier siècle et non pas simplement un prince. Je suis las des histoires où il n'est question que des aventures d'un roi, comme s'il existait seul, ou que rien n'existât que par rapport à lui. En un mot, c'est plus encore d'un grand siècle que d'un grand roi que j'écris l'histoire. J'espère que dans cet ouvrage, vous trouverez, Milord, quelques-uns de vos sentiments. Plus je penserai comme vous, plus j'aurai droit d'espérer l'approbation publique.